ma jolie petite fleur, mon oiseau des îles. Garde, garde bien ton cœur, il est si fragile. Si quelqu'un prenait ce cœur, là sous ton corsage, j'aurais tant et tant de pleurs. Promets d'être sage, je partirai pas longtemps, je reviendrai dans une heure, mais y'a quelqu'un qui m'attend chez le gouverneur. Ma jolie petite fleur, mon oiseau des îles, cache, cache bien ton cœur, il est si fragile. Afin de le protéger, ce serait plus sage que nous allions le cacher au bout de la plage, là pour que je n'aie plus peur qu'on me vole mon bonheur. Tu me donneras ce cœur, ma jolie petite fleur, ma jolie petite fleur.